Le lendemain matin, maître Athanase Gautheroux se présenta, flanqué de deux acolytes, l'un, blême, à figure chafouine, l'air dévoré d'envie, l'autre, portant un faux col et des sous-pieds très tendus, avec un îlot de taffetas noir à l'index. Et tous deux, ignoblement sales, avec des cols gras, des manches de redingote trop courtes. Leur patron, un fort bel homme au contraire, commença par s'excuser de sa mission pénible tout en regardant l'appartement. Ouvrez les guillemets. Plein de jolies choses, ma parole d'honneur. Il ajouta, entre guillemets, outre celles qu'on ne peut saisir. Sur un geste, les deux recors disparurent. Alors, ses compliments redoublèrent. Pouvait-on croire qu'une personne aussi charmante n'eût pas d'amis sérieux? Une vente par autorité de justice était un véritable malheur. On ne s'en relève jamais. Il tâcha de l'effrayer. Puis, la voyant émue, prit subitement un ton paterne. Il connaissait le monde. Il avait eu affaire à toutes ces dames. Et, en les nommant, il examinait les cadres sur les murs. C'étaient d'anciens tableaux, du brave Arnoux, des esquisses de Sombaz, des aquarelles de Burieux, trois paysages de Ditmé. Rosanette n'en savait pas le prix, évidemment. Maître Gautheroux se tourna vers elle. « Tenez, pour vous montrer que je suis un bon garçon, faisons une chose. Cédez-moi ces Ditmé-là et je paie tout. Est-ce convenu ?» À ce moment, Frédéric, que Delphine avait instruit dans l'antichambre et qui venait de voir les deux praticiens, entre le chapeau sur la tête d'un air brutal. Maître Gautheroux reprit sa dignité et, comme la porte était restée ouverte, « Alors, messieurs, écrivez. Dans la seconde pièce, nous disons, une table de chêne avec ses deux rallonges, deux buffets. » Frédéric l'arrêta, demandant s'il n'y avait pas quelque moyen d'empêcher la saisie. « Oh, parfaitement. Qui a payé les meubles ?»« Moi. » »« Eh bien, formulez une revendication. C'est toujours du temps que vous aurez devant vous. » Maître Gautheroux acheva vivement ses écritures et, dans le procès-verbal, assigna en référé Mademoiselle Bron, puis se retira.